Selon le journal d'internet sud-coréen Tongilius, l'action nationale d'urgence pour la démission du pouvoir de Park Geun-hye a tenu le 23 décembre devant le tribunal constitutionnel une conférence de presse demandant l'adoption rapide du projet de destitution de Park Geun-hye. Par ailleurs, le journal d'internet sud-coréen Minjok Ilbo a inséré le 22 décembre un éditorial qui écrit « Le cabinet de Hwang Kyo-an est la réplique de Park Geun-hye. Ce cabinet soumis à la régence doit démissionner tout de suite ».